messieurs dames, c'est sur le nouvel album dans le chat entier. C'est la folie dans les studios. On commence par la cour, je vais te faire la cour dans la cour. Dans la cour, dans la cour. Tu fais la cour, dans la cour. Tu vois, je fais la cour, dans la cour. Tu m'entends, je te fais la cour, dans la cour.